Dossier 6. Livre page 62. Je ne peux pas choisir le sujet des réseaux sociaux car la plupart de mes amis de classe vont parler de ça. Récemment, dans les magasins et les supermarchés, on utilise le code barre parce qu'il était urgent de trouver une solution rapide pour faciliter le travail et économiser le temps.